banlieue de Roubaix, un lointain pays peuplé de grands nuages, grand en bordure de la voie ferrée, que fil électrique des moineaux de passage, une simple maison de bois. Le commun des mortels très vite oubliera, c'est là que je passe ma vie, moi qui ne suis qu'un simple outil, je suis un râteau, je ne suis pas très beau, oui mais je suis utile dans ces instants futiles où le simple ouvrier s'en va un peu jardiner, mettre un peu de poésie dans un quotidien bien gris. Voilà, je m'appelle Roger, je suis métallurgiste. Il paraît que bientôt on va me rayer de la liste. Alors demain, quand je serai chaumiste, il faudra peut-être que j'évite d'être triste. Eh bien, je partirai dans mon jardin pour trouver l'ensemble des copains. Mais personne ne sera aussi beau que le manche de bois de ce beau râteau, râteau de jardinier. Toi qui rends le quotidien moins triste, toi avec qui les ouvriers se sentent peu à peu plus optimistes. Voilà quelques mois que je jardine, je ne suis pas seul, il y a aussi ma voisine. On plante ensemble des carottes, on joue au tarot avec tous mes potes. Mais quand le soir vient vers les 7 heures, quand je commence à penser à mes malheurs, je pars vers mon cabanon et sa porte en bois pour retrouver mon copain, ce beau râteau de bois. Râteau de jardinier, toi qui rends le quotidien moins triste, toi avec qui les ouvriers se sentent peu à peu plus optimistes. Voilà peut-être qu'un jour viendra l'heure d'aller chez Gamber acheter un motoculteur. En attendant que les jours soient beaux, je continuerai à utiliser mon râteau. Tout au fond de mon jardin, seul avec lui, je me sens si bien. Et si un jour je dois partir, que cette vie me fait languir, dans le ciel gris de Roubaix, au paradis j'emmènerai mon râteau de jardinier. Toi qui as rendu le quotidien moins triste, toi avec qui les ouvriers sont aujourd'hui un peu plus optimistes. Ce râteau de jardinier, quotidien moins triste, toi avec qui les ouvriers sont aujourd'hui un peu plus optimistes.